Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Comme chaque mercredi soir à partir de minuit, l'heure du crime, c'est Stéphane qui vous accueille. Et comme chaque mercredi soir, il n'est pas tout seul puisqu'il est avec lui, Nathalie. Et bonsoir. Et ce soir, exceptionnellement, nous ne sommes pas que tous les deux puisque nous avons le plaisir de recevoir en studio deux membres de l'association Shadow Assembly qui s'est fait connaître depuis quelques temps pour avoir organisé de sacrées bonnes soirées, je n'hésite pas à le dire. Et le morceau d'introduction de cette émission, Mistress of Blood, du groupe Agapésis, c'est un morceau justement qu'ils ont sélectionné pour nous ce soir puisqu'ils nous ont fait la playlist, ils se sont fait plaisir à nous ramener les morceaux qu'ils diffusent et qu'ils aiment. Agapésis, ils auront le temps de nous en parler un petit peu plus tard, mais pour commencer, n'est-ce pas Nathalie, ils vont nous parler un peu d'eux. Et oui, de leur association aussi, Shadow Assembly. Association créée à Nîmes, donc c'est ça, vous êtes bien de Nîmes? Tout à fait, oui. Association créée en 2008, donc quand même toute jeune. En juin 2008. Et dans quel contexte est né cet asso? Est-ce que tu peux nous en Alors, dire un petit peu plus? Dans quel contexte? En fait, cet asso devait naître il y a déjà fort longtemps, mais une autre asso est née avant celle-là, c'est l'asso SAD. Donc il faut en parler quand même. C'est-à-dire que nous avons créé une asso dont je n'étais pas président à la base, c'était mon ami Bishmael. Donc cet asso a duré pas très longtemps, dire 3 mois en gros. Près, ouais. Parce que nous avons eu certains problèmes, bon, on va pas en parler. Le monde associatif, c'est jamais simple de toute façon. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer donc dans cette aventure Shadow Assembly proprement parlée après la SAD? Ce qui nous a donné envie, c'est que bon, malheureusement, dans le sud, niveau gothique, il n'y a rien du tout. C'est vrai que on n'a pas toujours grand-chose. Voilà, mis à part sur Marseille un petit peu, on va dire. Peut-être 2-3 soirées par an dans tout le sud, c'est pas suffisant, à mon avis. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire, on va dire, une soirée au moins par mois. Pour que notre mouvement puisse sortir, puisse écouter notre musique et s'amuser. Et ça fait toujours plaisir, effectivement, de recevoir, ouais. de découvrir des soirées supplémentaires. Parle-nous un petit peu de toi, peut-être. Donc, tu es DJ, tu es président de l'association Shadow Assembly. Ton passif, finalement, passé en tant que DJ, par exemple. Mon passé en tant que DJ, bon, on va dire qu'il y a 20 ans, je créais des soirées, des événementiels, effectivement, mais j'ai un petit peu arrêté après. Pourquoi? Parce que bon, j'ai changé de travail, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Je suis un petit peu revenu là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de ressortir, en fait, et de m'intéresser à ça. Bon, j'ai quand même 2 enfants, donc effectivement, j'ai un petit peu laissé tomber pendant quelques temps, par obligation. Mais pour un but ô combien noble, puisqu'effectivement, les petits bouts de choux seront les futurs clients de tes soirées gothiques, peut-être plus tard. Certainement, oui, je pense. Avec les papas et les mamans qu'ils ont, ouais, on s'en doute. Ouais, j'aurais bien aimé avoir des parents comme ça, moi. Et donc, tu disais, donc, on t'a coupé. On n'est pas sympa, en plus, on le coupe, alors, dans son explication. Donc, tu as dû changer de voie, tu as fait tous les métiers. Oui, j'ai fait pas mal de métiers. Et bon, je ne me suis pas trop intéressé, plus trop aux soirées, en fait. Je ne suis pas trop sorti. Et là, depuis quelques années, on va dire, en gros, depuis notre mariage... C'est revenu, oui, effectivement. Nous sommes beaucoup sortis sur Paris, Lyon, la Belgique, où nous avons fait beaucoup de soirées gothiques et fétiches. Et fétiches gothiques. Et la passion est revenue. Et la passion est revenue, et ça m'a donné envie, justement, de créer ça dans le Sud. Parce que ça n'existe pas, tout simplement. C'est vrai. Et après le président, donc Xtof, maintenant, Bishmael, alors dis-moi... Pourquoi cette association? Pourquoi ce projet? Et quel est ton rôle dedans? Bon, moi, je suis DJ et secrétaire dans cette association. Dans le micro, s'il te plaît, parce que si j'aurais bien. Merci, ouais. Et au départ, moi, je voulais faire des choses assez sympas dans le Sud, comme il n'y avait rien. Donc, vu qu'il n'y avait rien, on a créé. La première asso s'appelait SAD. Puis, bon, au bout de quelques mois, il y a eu des dissensions dedans. Enfin, c'était vraiment pas un bon truc, quoi. Et par la suite, une fois qu'on a tout cassé, Istoff m'a appelé, m'a dit bon bah voilà, ça tente et on recommence. Bah, j'ai fait voilà, c'est parti alors. Une belle rencontre finalement. Ouais. Et une belle rencontre autour d'univers musicaux assez différents, et ça va être le cas avec le morceau que tu nous as ramené justement ce soir. The Cemetery Girls, en fait, c'est un groupe de Paris qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps, qui est vachement sympa, avec DJ Alien Pagans au chant, et franchement, j'adore. Eh bien, écoute, on va vérifier ça tout de suite avec le morceau I Was Born to Be Cold. There's a ghost in my bed. The Cemetery Girls avec le morceau I Was Born to Be Cold. C'était un morceau de ce groupe parisien assez sympathique que tu nous as ramené, Bishmael. D'ailleurs, ça vient d'où ce pseudo, Bishmael ? Alors, Bishmael Aslandis, ça vient en fait de Bretagne. Je buvais beaucoup de bière noire qui s'appelait la Bimiche. J'ai fait une contraction, donc pour Bish, Mel, parce que chez nous, dans notre pays, beaucoup de noms se terminent par Mel, donc Bishmael pour ma... cette racine-là, et Islandis représentant le froid, les pays du nord, tout ce qui pouvait être couvert, la cold, enfin voilà pourquoi Bishmael Islandis. Donc ce sont tes origines d'expatriés qui resurgissent dans ton pseudo de DJ. Très bien. Ben. Tout. Moi j'aimerais revenir un petit peu à l'association maintenant, savoir combien vous êtes aujourd'hui. Parce que là vous êtes tous les deux ce soir, oui. Mais je pense que vous n'êtes pas que tous les deux. Alors actuellement nous sommes 6. Alors bientôt 7, normalement demain nous devrions être 7. Félicitations, donc, Audrey Ladéran. Alors, voilà, nous avons enfanté. Donc alors c'est très simple, donc moi, Ixtof, Bishmael Islandis, secrétaire. Toi président donc, moi, comme président, tu l'as dit tout, oui, à l'heure. Mon épouse Tristana, donc qui est trésorière. Qu'on salue, qui a dû rester, voilà, à la maison. Qui doit nous écouter, oui, et qui est restée avec les enfants. Qui ont fait un gros bisou, hein, aux petits aussi. Voilà, tout à fait. Comme quoi, les gothiques, malgré l'image qu'on s'en fait, sont des gens normaux, oui, qui aiment bien rigoler, qui font, mais des enfants, qui les emmènent à l'école, et c'est magnifique. Et qui font des soirées. Donc, avec donc, ton épouse, il y a aussi pas mal de monde parmi ces 7 personnes. Donc, tu disais, il y a aussi un performeur, je crois. Il y a un performeur, donc, qu'on va appeler Boubou, Boubou, son pseudonyme. C'est mignon. Donc, c'est Ouben. Qui est performeur, qui est perceur professionnel, qui a été formé par un grand perceur, on m'a dit, je ne citerai pas le nom, et ainsi que un grand perceur d'Avignon, tu veux dire? Oui, pas directement, mais on va dire que il vient un petit peu, c'est un petit peu sa racine. D'accord. Voilà. Donc je vais les citer, Lucas Pira. Ah. Donc c'est pas directement lui qui l'a formé, mais bon, il est un petit peu de la lignée, on va dire. De toute façon, dans le Sud-Est, c'est, voilà, un des grands noms du milieu fétiche. Dans le Sud-Est, entre autres. Je dirais dans le monde entier, mais bon. Aussi, c'est vrai. Il y a le Sud-Est, voilà, et le reste du monde. Voilà. Voilà. Donc Boubou qui nous a présenté son amie Aurélie. Donc il fait partie actuellement de l'association aussi. Vous êtes en fait plusieurs sur Nîmes et sur Montpellier, si j'ai bien compris. Alors oui, donc Boubou et son ami sont sur l'Hérault, et tous les autres membres sont sur le Gard. Voilà. D'accord, ça vous permet de toucher une région d'autant plus vaste. Oui. Et ça vous permet aussi on va passer à vos activités, notamment l'organisation de soirées qu'effectivement vous avez organisées dans plusieurs départements. Vous en avez organisé combien au total ? Alors, si je compte les 2 soirées du début février, ça fera 12. Donc, nous sommes à 10 soirées actuellement. C'est pas mal, donc, c'est un bon 10 score. 10 soirées, donc en comptant l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Pour une asso, voilà, qui est née en 2008, c'est une belle performance. C'est pas mal, c'est beaucoup de travail. J'en doute pas. C'est pas évident, surtout que nous sommes pas trop acceptés. Nous avons beaucoup de mal à trouver des lieux ou organiser nos soirées. Ça, c'est vrai qu'on va y revenir après, mais à mon avis, ça doit être un gros point noir du... C'est un gros problème, effectivement. D'autant plus qu'on n'a pas trop de matériel encore, parce que manque de revenus, effectivement. C'est le début. Donc, on essaie de trouver non seulement des lieux, mais en plus des lieux qui sont équipés, point de vue sono. Oui, voilà. Pas un son pourri comme certaines soirées, où c'est vrai que ça gâche tout. Voilà, oui. Ça, c'est dommage. Et au niveau de la fréquence des soirées, en fait, vous essayez d'en faire régulièrement, des dates précises, des choses vraiment, voilà, est-ce qu'il y a, y a une régularité voulue ou c'est suivant la possibilité, alors, d'avoir un lieu? Nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà une soirée par mois au minimum. Déjà, c'est pas donc, mal. Voilà. Après, pour ce qui est des lieux, effectivement, on a trouvé un lieu qui est un club libertin sur Alès, qui nous permet de faire une soirée tous les premiers samedis du mois. Donc, alors, par contre, en contrepartie, nous sommes obligés de faire des soirées fétiches gothiques. Donc, nous ne pouvons pas, effectivement, comme c'est un club libertin, nous ne pouvons pas faire des soirées que gothiques. Donc, nous avons mélangé le côté fétichiste, comme il se fait sur Paris et sur Lyon, ce qui fonctionne très très bien. D'ailleurs. Vous faites aussi des concerts, il me semble. Il n'y a pas très longtemps, vous avez eu Archdol. Oui, nous faisons des concerts sur Nîmes, entre autres. C'est vrai que vos activités, pour autant qu'on puisse en juger après un petit bilan d'un an, sont effectivement séparées en ces deux segments, donc l'organisation de concerts et les soirées en club libertin, ce qui est une démarche relativement innovante, en tout cas pour la région, en tout cas peut-être pas innovante, mais pas si fréquente que ça, et l'organisation de concerts, notamment, même si les lieux sont difficiles à trouver, notamment celui que vous avez fait il y a 15 jours, si j'ai bonne mémoire, à côté de Nîmes, à Caissargues, vous aviez reçu donc Archdolls, qui est un groupe de la région d'Aix-en-Provence que vous connaissez sans doute bien. Oui, nous connaissons assez bien, oui. Effectivement. Et écoutez, on va faire, j'en avais déjà passé au début du mois, mais on va s'en refaire encore une petite idée avec le morceau Fétiche Process. Thank you. Arch Dolls avec le morceau Fétiche Process, un groupe de la région, un groupe d'Aix-en-Provence qui a pu se produire récemment en concert à côté de Nîmes grâce à vous et un groupe qui est l'un des préférés du dernier membre de votre association, Sandra. Et oui, donc, tout à une de vos collègues. Voilà. Oui, tout à fait, Sandra, donc, qui fait partie de notre association depuis pratiquement le début, on va dire. Hein. En tant que photographe, mais aussi, on va dire, polyvalente, parce qu'elle nous aide dans... On peut demander tout ce qu'on veut, voilà, c'est nickel, quoi, il n'y a aucun souci. Quoi. C'est vraiment... voilà. Ça s'accerve les amis, et vous en faites donc une belle brochette, puisque vous êtes 6 dans cette association, je vais y arriver. Bientôt 7. Avec bientôt un 7e, et vous organisez des soirées, mais quel public, plus précisément, visez-vous finalement avec ces concerts et ces soirées? Alors, évidemment, nous touchons le public gothique, qui comprend donc les goths, on va dire old school, les cyber goths, les métalleux, quelques métalleux, effectivement, nous avons quelques métalleux qui viennent à toutes nos soirées, et ben des gens, comme tout le monde, qui veulent peut-être rentrer un petit peu dans le mouvement, qui aiment ce qu'on fait parce que c'est un petit peu à part. Voilà. Donc dans tes soirées, tu as autant Monsieur Tout-le-Monde qui va s'habiller en noir pour l'occasion que des gens qui vivent comme ça tous les jours. Tout à fait. C'est ça qui est beau. Tout à fait. Moi, je vais pas dire à une personne qui n'est même pas habillée en noir de ne pas rentrer dans une de mes soirées. Si elle veut découvrir, ben pourquoi pas. Une belle ouverture d'esprit. Ah bah, il faut. Et c'est vrai que pour les quelques soirées que j'ai faites, que vous avez organisées, c'est vrai que tout au moins la musique était assez variée pour que tout le monde y trouve son compte. En tout cas, ça a été mon cas à moi. Puisqu'il y avait, notamment avec toi, Bichmel, un petit peu de New Wave, de Death Rock, et avec toi, Xtoff, plutôt de l'électro, de l'indus. Et on va notamment écouter un morceau qui est un morceau d'un groupe qui te tient à cœur, Bichmael, puisqu'il s'agit de Violet Stigmata. Ouais, Violet Stigmata, ça j'adore, c'est trois albums, je peux même pas en parler, c'est tellement géant de ce truc, quoi. J'adore, c'est à fond, quoi. Mais je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, et on va le vérifier avec le morceau Cut the Flesh Wire. We'll be right back.

Bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien dans Clair Obscur sur Rage. Vous nous écoutez sur le 90.3 dans le Vaucluse, sur le 102.5 dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Et à l'instant, c'était Forsaken Corpse avec le morceau Hymn of the Sickness qui était enchaîné juste avant avec Violet Stigmata, Cut the Flesh, Wire. C'est un groupe français qu'on adore et qu'on vous repassera. Faites-nous confiance. Et tout ça, c'était pour illustrer la diversité musicale des soirées Shadow Assembly dont nous recevons deux membres ce soir. Alors, on parlait juste avant du public que vous visiez avec vos soirées, un public que vous voulez qui puisse s'amuser de manière relativement fréquente puisque vous parlez d'une soirée par mois, un public que vous voulez assez vaste puisque ça va des métalleux qui ont l'esprit relativement ouvert jusqu'aux gens qui apprécient les soirées fétiches. Pourquoi tu me regardes comme ça, Nathalie ? Il y a des métalleux qui savent sortir de Black Sabbath. Je vais faire taper par ta page nocturne, j'ai rien dit. Non, ça va, ils sont partis, mais de toute façon, ils savent qu'on les adore et que chaque fois qu'on les tacle, c'est avec humour et avec amour, et même s'ils piquent quand ils embrassent. Bref, revenons-en à Clair Obscur. Non, on aime beaucoup nos amis de ta page nocturne, c'est pour ça. Et revenons-en à Shadow Assembly, donc, dont le public est assez varié lui aussi, puisque ça va des gens qui apprécient les soirées fétiches, habillés en vinyle, etc. Mais en même temps, je me dis qu'à organiser des soirées dans des clubs libertins, notamment, c'est forcément un public majeur, déjà. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, obligatoirement, un public majeur, ouais, mais même si certains de nos clients adorés aimeraient bien venir, ben, malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la majorité. C'est vrai, je me suis intéressée à tous ces détails-là. Moi qui travaille dans les assurances, j'ai peut-être l'habitude du petit détail, justement. Voilà, les difficultés aussi que vous rencontrez par rapport à tout ça, de faire rentrer les mineurs ou pas, à mon avis, il va falloir faire la chasse, parce que vous ne pouvez pas, déjà. Ben non, on n'a pas le droit et on surveille à l'entrée. Il n'y a pas de problème de ce côté. Les mineurs n'ont pas le droit d'entrer, ils ne rentreront pas de toute façon. Et je voulais aussi savoir, moi, un petit peu, si vous n'avez pas de soucis, bon, déjà, de vous faire accepter en tant que gothique dans ces endroits-là. Est-ce que c'est facile de trouver des salles, des endroits ? Et au niveau assurance, au niveau gestion des petits détails juridiques, comment ça se passe au sein de l'association ? Alors, c'est effectivement pas facile de trouver des lieux, premièrement. Et au niveau des assurances et tout le reste, de toute façon, il n'y a aucun problème, parce que pour l'instant... Toutes les soirées que nous avons organisées sont dans des lieux qui ont déjà des assurances, qui ont... Oui, parce que vous organisez ça pour le moment essentiellement dans des clubs libertins, si c'est... Clubs libertins, dans des bars, dans des cafés-concerts... Donc c'est l'assurance du lieu, voilà, qui prend en charge. C'est le lieu qui prend en charge l'assurance et tout le reste. Et pour trouver des lieux, vous vous y prenez comment ? Alors, tout simplement en démarchant, en prenant contact avec tous les cafés-concerts, tous les bars, toutes les salles en location. Après, bon, le problème, c'est que nous sommes très rarement acceptés. On vous fait quoi comme reproche en général sur vos soirées ? On nous fait pas trop de reproches parce qu'on n'ose pas trop nous le dire, mais on nous dit simplement, mais bon, si vous voulez faire des soirées, on vous donne le jeudi. Ouais. Mais le jeudi, ça ne sert à rien. Pour nous, ça ne sert à rien. Il faut faire des soirées le samedi, voire le vendredi, occasionnellement. Mais voilà. Donc il y a encore des gens qui ont du mal avec le côté sombre des soirées. Oui, et même sur Montpellier, dans certains cafés-concerts qui sont censés nous accueillir, nous n'avons même pas de réponse. C'est dommage, parce que c'est vrai que vos soirées sont de vraiment, vraiment bonne qualité, et on espère que ça va se développer. Et au niveau de la forme associative, alors bon, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément choisir de faire ça en entreprise, souvent c'est le rêve de tout le monde, mais il faut des fonds, il y a pas mal de contraintes. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à cette forme associative ? Pas spécialement, non. Donc pas vraiment de contraintes. Ça pose pas de problème. Non, pas du tout. Le dépôt des statuts n'a pas été et pas compliqué en soi pour une association loi 1901, mais après c'est le nom de l'association qui peut poser problème. Alors Shadow Assembly par exemple, on avait une association punk à Avignon qui n'existe plus depuis, mais qui s'était appelée Veni Vidi Vomi. Tu vois, au lieu de venir vidi vici, et c'est vrai que ça les avait fait beaucoup rire quand ils avaient créé l'association, mais pour obtenir des subventions, après c'était un petit peu plus compliqué avec un nom comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se permet de vous poser la question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut mener à mon avis, le nom, ça peut choquer effectivement, mais les subventions, moi j'y pense même pas, parce que si on me demande d'approfondir un petit peu sur le sujet, si je suis obligé de le faire, on va me dire, mais non, excusez-moi, mais on ne peut pas vous prêter d'argent. Ça ne rentre pas dans le cadre des subventions du Conseil Général, c'est sûr. C'est ça. Ben, oui, je suis désolé, si je ne fais pas de rap ou de... Ah bah ça, après, ouh, ça n'engage, ça n'engage que toi, c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais je veux bien admettre qu'effectivement le fait que de la programmation musicale dont vous vous occupez forcément peut avoir du mal à convaincre certains investisseurs institutionnels entre guillemets. Donc les gens ont peur parce qu'on a, une mauvaise... mauvaise image. Une mauvaise image, ouais, tout simplement. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut aller dans les soirées. Il faut, même si c'est pas forcément son monde, bah, il faut pas hésiter à découvrir un monde qui est pas forcément fait, le sien. Si fait. On se sent de l'attirance, il faut y aller. Hein. Moi, j'invite tout le monde à venir dans nos soirées et à voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, je connais beaucoup de gens actuellement qui ne sont pas du tout dans notre milieu et qui ont adoré nos soirées. Non, les gothiques ne mangent pas de bébés, etc. Non, et on suce même pas du sang. Même pas. Bah, je suis déçu. On a même pas de vampire chez nous. On a même pas de vampire, on n'a rien. Oh, il y a du jus de tomate au bar, c'est pas grave. Avec de la vodka. Ouais. Ah bah bravo. Et puisqu'on parle de l'association, puisqu'on parle aussi d'argent, de subvention, quel est l'état des comptes après presque un an d'activité? Sans être indiscret, bien sûr. Bah alors je dirais que c'est pas trop mal, mais de toute façon tout l'argent que nous gagnons est réinvesti tout de suite. C'est-à-dire que là... Personne n'est salarié de l'association, vous êtes tous bénévoles. Non, nous ne sommes pas salariés, pour le moment, non. Donc là, maintenant, nous avons un projet d'acheter du matériel. Ouais. Donc, un investissement délicat. Nous sommes toujours à zéro, on va dire. Mais vous êtes toujours en balance avec ce que vous rentrez et ce qui sort. Voilà. Bon, c'est déjà bien que d'être en négatif. Hein. Pour une année d'existence, oui. Pour connaître un peu le monde associatif, c'est déjà beau. C'est déjà pas mal, oui. Ouais. C'est déjà pas facile. Et donc... Donc l'état des comptes, c'est pas mal, on a vu vos projets que c'était déjà pas mal. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Tu dis, oui, on sait pas le retour qu'on a ou quoi, mais vous avez en un an d'existence, moi je trouve que vous avez fait énormément de choses. Oui, vous avez fait beaucoup de soirées, vous commencez à être connu. C'est vrai que la fréquence des soirées est quand même relativement admirable pour une association aussi jeune. Et j'en veux pour preuve, un des groupes qui vous intéresse et que vous avez peut-être déjà passé, ou que vous avez l'intention de passer, il s'agit de Brand Terror, c'est bien ça? Brand Terror. Alors, quand vous parlez dans notre émission spéciale Russie qu'on vous ramènerait des groupes hongrois, baltes ou bien roumains, eh bien, on tient parole, puisque ce soir, on vous a ramené Brand Terror, qui est un groupe franco-roumain, si j'ai bien suivi. C'est ça. Alors que, enfin, qu'il l'a été tout au moins, puisque la demoiselle qui était roumaine ne fait plus partie de la formation. Il n'en reste pas moins un très bon morceau qu'on va écouter pas plus tard que tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut le prononcer à ma place, parce que c'est extrêmement difficile? Je passe mon tour. Bande d'enfoirés. Alors c'est moi qui vais me couvrir de ridicule à votre place, tant pis. Alors Brand Terror. Telanimus subdilmasus. Et ben voilà. Ça c'était la version latine. Sinon moi sous les yeux j'ai Intalnire tu destinul. Allez, que les roumains pratiquants me pardonnent, mais en tout cas on aime beaucoup leur musique. Vous êtes sur Rage. Întâlni tot ceea ce reprezintă viață și moarte. Thank you.

Decima Victima avec le morceau, le magnifique morceau Turn les Roses que nous a ramené Bishmael ce soir. Et arrive le moment de conclure cette émission puisqu'on approche de minuit. Déjà. Alors voilà, il s'agit de faire un petit bilan de l'activité de l'association avec notamment de nombreux projets à venir et un concert prochainement. Oui, tout à fait. Donc prochainement, un concert au Poste à Galène à Marseille qui est très connu dans le milieu gothique. Donc avec le groupe Agapesis à l'affiche... Le groupe qu'on a écouté en introduction de l'émission. Tout à fait, un groupe belge, donc c'est un couple en fait, hein, tout simplement. Ils sont très très connus dans les pays de l'Est, ils sont d'ailleurs 7e au top allemand, ce qui est pas mal. Et ils demandent à se faire connaître en France, ce qui commence à bien venir apparemment. Donc moi j'ai décidé de les faire venir parce que bon, je les ai déjà vus en Belgique. Et je les trouve très bien, surtout leur show. Un des deux est français show. De toute manière. Un des deux est français, oui. Monsieur est français. Voilà. Et bien on attend de les recevoir. Donc ce sera quelle date plaisir. Donc le 6 février au Poste à Galène à Marseille et le 7 février à Alès au club L'Orchidée. Et si on veut avoir plus d'infos, vous retrouvez sur le net. Comment on fait? Tout à fait. Donc sur MySpace, tout simplement, sur http://myspace.com/shadowassembly. Ou sinon, vous tapez sur Google Shadow Assembly, Shadow MySpace, Assembly, ça marche tout aussi. Tout simplement. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, les gars, Ixtof, Bishmael, merci d'être venus dans notre émission. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir et donc de parler de vos nombreuses activités. Oui. Et on va se quitter avec un morceau qui d'un groupe là encore espagnol, d'un groupe là encore qui n'existe plus et que tu nous as ramené, Bishmael, dans ton escarcelle. Il s'agit de Naughty Zombie avec Give Me Your Soul. Nous, on vous laisse avec la rediffusion des Fous du Stade. On vous souhaite une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Vous écoutez la rediffusion des Fous du Stade. Les Fous du Stade, 19h-20h, le mardi soir sur Rage. Rage.